chanter au Seigneur un chant nouveau. Danser à la louange de son nom. Jouer pour lui. Parole céleste. Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire.